души расположить. Yeah. поднимешься вверх, чуть. La parfaite aigreur ne fut jamais longue. Je dessine en sourde imagination et construis le récit. La torpeur en moi, à jamais, s'est tapie. Des raisons mondaines, puis je sais.